conseil. Ma paix barou, faut coucouter. Quoi suspendrait même tout bon jeune gens. Où ça ouais, devant à faire où. Où t'es petit, où t'es qu'un maman. Avec papa qui pourrait de où. Tout ça blé, yo t'oblige blé le tout. Ouais, cougné, c'est pas même bagaille. Accident. Belle petite, mon petit conseil. Ma paix barou, faut coucouter. Quoi suspendrait même pour bon jeune gens. Pour ça, ouais, devant à faire où. Où t'es petit, où t'es qu'un maman. Avec papa qui pourrait de où. Tout semblé, yo t'oblige de tout. Pour écouter, c'est pas même bagaille. Conseil. Bye.